Togo, Douiman. Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Donc voici les grands titres. La question des constructions anarchiques a retenu l'attention de la Chambre haute du Parlement ce lundi, et plus particulièrement celle se trouvant dans les environs de la station d'épuration des eaux usées de Boutelélé. Cinq ministres étaient invités pour répondre aux questions des sénateurs. Et un ami de la nature en la personne d'Albert Monerané estime qu'il y a urgence de protéger cette station. Et trois semaines après la rentrée scolaire, des élèves n'ont pas encore été orientés. Cela inquiète les parents en commune urbaine de Nahangwa. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La Chambre haute du Parlement burundais s'est penchée ce lundi sur la question en rapport avec les constructions anarchiques qui s'observent à mairie de Bujumbura. Cinq membres du gouvernement étaient invités, à savoir le ministre de l'Intérieur, celui de la Sécurité publique, de l'Agriculture et de l'Élevage, celui de l'Énergie et des Mines ainsi que celui des Travaux publics. Le constat était que les constructions anarchiques sont une réalité. Léonce Vitalio. Tous les intervenants sont unanimes, les constructions anarchiques sont une réalité dans la capitale burundaise. Selon Anice Niongabo, le deuxième vice-président du Sénat, la grande responsabilité incombe aux services de l'État qui ont attribué les parcelles, même si les acquéreurs ne sont pas innocents. Moi, je pense que le gouvernement doit respecter la loi pour gagner la confiance de ses citoyens. Si le gouvernement ne respecte pas les lois et règlements qu'il a votés ou fait voter, les gens n'auront plus confiance et se contenteront à faire ce que bon leur semble. C'est lui qui acquiert une parcelle dans l'illégalité. Même s'il n'est pas en ordre, la grande responsabilité revient à celui qui l'a attribué, étant sûr de ce qu'il a fait. Les sénateurs convergent sur le fait qu'il y a beaucoup de maisons qui doivent être démolies dans les parages de la station d'épuration des eaux usées de Wuterele. Mais ici, ils défoncent Naungunda, se montrent inquiets par rapport aux conséquences qui peuvent surgir. Ils craignent des impacts notamment au niveau politique, social et économique. 300 maisons par exemple, multipliées par 6 personnes, qui formeraient une famille. D'abord, il y aura un impact politique. L'impact social ne peut pas manquer, même l'impact économique, car moi, quand j'y ai passé, j'ai eu peur. Surtout du côté de Buterere, sinon côté Ngagara, il peut y avoir une maison qui est à démolir ici. On laisse celle-ci pour contourner et démolir une autre plus loin. Pour sa part, Réverien Dikulio, président du Sénat, n'y va pas par quatre chemins pour dire que ces maisons autour de la station de Buterere sont à démolir. Il faut au moins qu'un espace de 64 hectares soit retourné aux services techniques municipaux. Mais ce ne sont pas que cet espace-là. Si tu as l'autorisation de bâtir, tu pourras réclamer l'indemnisation. Les crédits dont tu parles, c'est quoi cette banque qui accorde un crédit à quelqu'un qui n'a pas de papier? Je suis d'accord pour l'impact social, mais n'y a-t-il pas d'impact quand les gens sont morts? Nous devons défendre d'abord les 64 hectares et le contour que tu évoques. On va consulter le plan. Ces maisons n'ont même pas de valeur. J'ai même vu un immeuble en étage, une école. Mais ici, ce n'est pas dans un village comme à Kayogoro. Je trouve plutôt qu'il faudrait commencer par celle-là. Le Sénat burundais ne donne pas de délai pour passer à l'action dans la démolition de ces constructions anarchiques en mairie de Bujumbura. Seulement, pour le cas de la zone des eaux usées de Buterere, il faut se conformer à l'échéance qui a été donnée par le Conseil national de sécurité. Léonce Vitalio. Et pour l'ambassadeur Albert Mbonerané, il est urgent de réhabiliter le centre d'épuration des eaux usées de Buterere pour éviter que le lac Tanganyika du côté de Bujumbura ne continue pas à être pollué par les eaux vertes provenant de ce centre. Ami de la nature et se basant sur des études déjà faites, Albert Mbonerané fait savoir qu'un montant d'€1,5 million est nécessaire pour le fonctionnement normal de cette station de Buterere. La responsabilité incombe au gouvernement, a-t-il dit. L'action urgente, ça serait la réhabilitation de la station d'épuration de Buterere. D'après les études qui ont été faites par des spécialistes, il y a d'abord des machines qui ne fonctionnent pas. Il y a une urgence à investir dans l'équipement. D'après les informations que j'ai, il faudrait mobiliser à peu près 1,5 million pour que la station d'épuration de Buterere puisse fonctionner correctement. Et il faudrait aussi équiper équiper suffisamment le laboratoire de ces thèmes qui se trouve à Boutelé-les-Mêmes. Et ce laboratoire, la première mission, c'était de faire des analyses régulières pour voir si la station de pompage fonctionne correctement. Ainsi, si demain nous trouvons que la rivière Kinyankongé draine des eaux sans couleur et sans odeur, on va dire que les choses commencent à changer. La responsabilité incombe à qui? La responsabilité incombe au gouvernement. Parce que les CTM est une institution étatique. Si les CTM n'ont pas de l'argent, si les stations de pompage ne fonctionnent pas correctement, si les machines de la station d'épuration de bouteilles ne fonctionnent pas, les CTM sont là, ils observent comme tous les autres. Mais finalement, qui est le grand acteur? Le grand acteur, c'est le gouvernement qui devrait pouvoir placer dans ses priorités l'entretien de cette station d'épuration pour dire que finalement le lac Tanganyika, il n'est pas comme la Méditerranée salinisée avec beaucoup de déchets, etc., mais que c'est un trésor que Dieu nous a donné et demain nous risquons de regretter quand il va s'écraser. Donc, comme disent les Français, mieux vaut prévenir que guérir. Ce n'est pas encore tard, mais il ne faudrait pas attendre toujours que le lac crie. Le lac nous parle, écoutons ce qu'il nous dit, il faut agir. Albert Mbonerane, un ami de la nature, et il répondait aux questions de Mireille Kanyangé. On parle maintenant des accidents qui font parler d'eux ces derniers temps et des accidents qui emportent des vies humaines et des biens matériels, ce qui cause des préjudices économiques aux ménages et à l'État. Comme l'a constaté le commandant de police de sécurité routière qui fait savoir que la police a multiplié des positions de contrôle pour décourager l'excès de vitesse qui souvent est à l'origine de ces accidents. Roger Wanguigwira indique que le manque de matériel approprié et les moyens de déplacement sont entre autres les défis auxquels ils font face. Suivez le commandant de la PCR. Il répond aux questions de Charles Makoto. Nous avons arrêté une série de mesures dont les plus importantes sont d'abord un déploiement d'un dispositif suffisant pour dissuader certains contrevenants, mais aussi ce dispositif a reçu l'ordre de passer sur le terrain plus longtemps qu'il n'en était auparavant. Nous avons également opté à infliger des sanctions sévères à certains usagers. Je vous donnerai l'exemple d'un minibus Memento qui empruntait le tronçon Bugarama-Bujumbura, c'était le 12 du mois de septembre. Le chauffeur avait été mis en garde, rappelé à l'ordre à plusieurs reprises, mais il n'a pas obtempéré et l'inévitable a fini par se produire. Le bus qu'il conduisait a cogné deux remorques, entraînant la blessure de 9 personnes, dont certains gravement, et j'ai dû prendre la mesure de suspendre son permis de conduire pour une période de 6 mois. On multiplie ce genre de mesures dissuasives pour que la courbe de ces incidents soit infléchie. Parmi les causes des accidents figure l'excès de vitesse. Est-ce que vous avez les outils nécessaires justement pour détecter le mouvement du véhicule quand il n'est pas proche du poste de la police? L'excès de vitesse est en tête de liste parmi les causes des accidents. Malheureusement, il nous manque l'équipement adéquat pour le détecter. Et je nomme ici le pistolet radar qui nous servirait à gérer ce genre de problème. Mais même sans cet instrument, à l'œil nu, on peut constater qu'on est en excès de vitesse. La bonne nouvelle, c'est qu'on a la promesse de la part de nos partenaires dans le sens de nous fournir son matériel. Et la consommation excessive d'alcool par les chauffeurs, c'est un autre sujet de préoccupation. On doit aussi déplorer que le matériel spécialisé dans la détection du taux d'alcool, qu'on appelle alcotest, nous manque cruellement pour la raison qu'ils sont d'abord en quantité insuffisante et puis d'autres se trouvent à un certain moment périmés et ne nous servent plus à rien. Roger Banguigwira, c'est le commandant de la police de sécurité routière. Les communes de la mairie de Bujumbura ne sont pas encore autonomes financièrement, ce qui fait qu'elles ne soient pas évaluées en matière de performance comme les autres provinces. Balthazar Niyonzima, porte-parole du ministère de la décentralisation et de la réforme institutionnelle, dit que comme conséquence, ces communes ne se développent pas au même rythme que les autres, mais qu'une commission a été mise en place pour évaluer ce cas. Balthazar Niyonzima dit que les communes de la mairie bénéficient cependant des 500 millions de la part du FONIC, comme les autres provinces. Suivez-le au micro de Gertrude Mawenayo. L'exercice d'évaluation de la performance des communes est effectué par le ministère en charge de la décentralisation, justement là où toutes les communes du pays sont évaluées dans trois domaines de la vie de la commune, à savoir le domaine en rapport avec la gouvernance locale, le développement local, protection et inclusion genre. Maintenant, nous avons ajouté un autre domaine relatif à la protection de l'environnement. Et nous effectuons cette évaluation justement pour pouvoir nous rendre compte de l'état de gestion de la commune par les responsables communaux. Alors, comme vous venez de le dire, les communes de la mairie de Bujumbura ne subissent pas cette évaluation pour la simple raison qu'elles ne sont pas financièrement décentralisées. Elles connaissent une décentralisation administrative et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous nous sommes rendus compte de cette situation-là, la question a été portée aux superstructures et il a été désigné une commission pour justement se pencher sur le cas. Qu'est-ce qui manque alors pour que les communes de la mairie de Bujumbura puissent bénéficier de l'autonomie de gestion comme les autres communes? C'est que les communes de la mairie ont un statut un peu spécifique et c'est même précisé dans la loi communale de 2015 qu'il doit y avoir un autre texte qui régit comment les communes de la mairie de Bujumbura doivent être gérées. Nous estimons que lorsque la loi communale sera révisée, c'est à partir de là que nous pourrons nous rendre compte de la façon dont la décentralisation financière soit effective pour les trois communes de la mairie de Bujumbura et afin qu'elles soient elles aussi évaluées au même titre que les autres. Lorsque nous effectuons l'évaluation de la commune, c'est-à-dire qu'on relève un certain nombre de défis là où il y a des problèmes, et c'est à partir de là que les responsables puissent travailler pour pouvoir lever ces défis-là sur la gestion de la commune. Alors vous comprenez très bien que lorsqu'une commune n'est pas évaluée, cela ne peut pas manquer de conséquences. C'est une préoccupation, non seulement pour le ministère de la décentralisation et de la réforme institutionnelle, mais aussi pour les superstructures, pour les autres structures aussi concernées par cette question. Balthazar Niyonzima, c'est le porte-parole du ministère de la décentralisation et de la réforme institutionnelle. Et le parti FNL, dirigé par Jacques Bigirimana, demande au ministère de l'Intérieur de ne pas agréer le parti FNL, la Misere Abarundi, dont l'honorable Gaton Ouassa a requis l'agrément au ministère de tutelle. Dans une conférence de presse, Jacques Bigirimana a indiqué qu'il s'agit d'une usurpation du nom de leur parti politique. Et s'agissant des autres partis politiques présentant des noms ayant des similitudes, il a souligné que ces partis ont été créés dans des contextes qui diffèrent de l'actuel. Oba Niyonhuru. Selon Jacques Bigirimana, le contexte de création du parti FNL Amizero Yabarundi présenta quelques ressemblances avec le parti FNL qu'il dirige, ne sont pas les mêmes. Les périodes sont différentes. Tout d'abord, prenons l'exemple sur les FDD, CNDFDD, CADFDD et CNDD de Nyangoma. Ce sont d'abord des organisations politico-militaires qui ont négocié le cessez-le-feu différemment. Alors celui qui est venu, qui a signé le cessez-le-feu avant les autres, avait une appellation et qui se trouve sur le document de cessez-le-feu signé entre les partis. Alors il y avait des gens qui avaient les armes dans la main et qui sollicitaient leur agrément comme condition préalable pour qu'ils déposent formellement les armes par terre. Toujours sur la même question, il y a le Frodebu Nyakuri, Edo Sawanya Frodebu. Oui, ce fut une erreur grave de la part de Léon Senghenakoumar, où il a fait exprès. Normalement, c'était son plein droit de protester et il allait avoir gain de cause. Le président de FNL a encore accusé le député Agaton Rwasa de vouloir se cacher derrière le nom de FNL pour perturber la paix. Il a tenu les mêmes propos, lesquels ont été refutés et par la police et par le ministère de Justice. Pour lui, les propos qu'il a tenus en tant que politicien diffèrent de ceux des organes techniques. Ça c'est vrai, j'aurais dit, mais si vous avez été à la police, à la documentation nationale ou à la justice, sur base de ce qu'un politicien Jacques Bigirimana a annoncé, je pense que la réponse que vous avez eue reste appropriée. Même si c'était moi, je vous donnerai la même réponse que celle que vous avez eue. Si vous avez été posé des questions techniques aux techniciens sur base des déclarations des politiciens, alors la réponse que vous avez eue a été une réponse politique. Alors si vous voulez chercher une réponse à votre question, allez la poser pour des raisons techniques sur base des données que vous détenez autrement que sur base de ce que je vous ai parlé. Jacques Bigirimana a indiqué qu'il laisse le soin au ministère ayant en charge la gestion des partis politiques de juger s'il tient ou non d'agréer son nouveau parti politique. Aubin Niyonguru, à ce propos, la rédaction a essayé de joindre le député Agathon Rwasa pour réaction, mais sans succès. Mais ce n'est que partie remise. La rédaction promet de continuer à le chercher pour réaction dans nos éditions prochaines. Et à la troisième semaine après la rentrée scolaire, certains élèves de la direction communale de l'enseignement commun urbain de Nahangwa n'ont pas encore été orientés ou affectés aux établissements scolaires. Leurs parents disent que leurs enfants éprouvent d'énormes pertes, vu que même les évaluations ont commencé. Le directeur communal de l'enseignement rassure que les orientations pour ceux des classes de niveau fondamental seront disponibles ce lundi. Et pour les élèves qui seront orientés dans les classes post-fondamentales, il leur demande de patienter. Et les étudiants de l'Université du Burundi de la communauté Batwa appellent la police nationale à être vigilante et vérifier la véracité des listes des candidats. Et cela est motivé par la fraude constatée lors du dernier recrutement dans les forces de défense nationale, où les 62 places accordées à l'ethnie Twa avaient été occupées par 45 jeunes des ethnies Hutu et Tutsi. Sabiman Alexis, représentant de ces étudiants, a remercié les chargés de la question du recrutement au sein des forces de défense nationale, qui se sont vite occupés de l'affaire pour corriger les irrégularités signalées dans l'opération du récent recrutement dans cette institution. Et certains habitants de la commune de Rutovu en Provence et Bururi se plaignent d'avoir été remplacés sur les listes des bénéficiaires des décodeurs de StarTime en distribution dans la population pour passer de l'analogique au numérique. Ils accusent l'administrateur d'être à l'origine de ces remplacements pour des fins inavouées. Jean Daitoyeko, administrateur communal de Rutovu, n'y s'est fait, même si les techniciens de StarTime en mission à Rutovu le confirment. Jean-Pierre Misago. Selon certains habitants de la commune Rutovu en province Bururi, ils ont été rayés ce samedi de la liste des bénéficiaires des nouveaux décodeurs de Star Times en train d'être distribués au sein de la population propriétaire des postes téléviseurs analogiques pour virer au numérique. Ils disent qu'ils figuraient bel et bien sur la liste que possédaient les employés de Star Times en mission d'installation de ces équipements à Rutovu, une liste qui n'a pas fait long feu, puisqu'elle a été remplacée par une autre de l'administration communale devant les techniciens de Star Times qui assistaient impuissamment. Contacté à ce sujet, le représentant de ces techniciens de Star Times à mission à Rutovu reconnaît les faits. Il explique qu'il a été constaté que la liste en sa possession était irrégulièrement établie puisque privilégiant ceux du centre Rutovu. Selon lui, il est mentionné sur leur soumission que si l'administration locale constate des irrégularités, il peut les corriger. De son côté, Jean Daitoyeko, administrateur communal de Rutovu, nie l'existence et l'utilisation temporaire de cette liste de Star Times dans la distribution de son matériel numérique. Il reconnaît seulement la liste établie par la commune de Rutovu, puis validée par le gouverneur de Bururi. Il place ses lamentations au petit nombre de décodeurs rendus disponibles par rapport aux besoins et promet de continuer à plaider en faveur de ceux qui n'ont pas été servis. Les techniciens de Star Times à mission en commune Rutovu rejettent en bloc les informations selon lesquelles des décodeurs seraient donnés même à des gens qui ne possèdent pas de poste téléviseur. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago, c'est sur cette correspondance que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.